بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا بفضل الله عز وجل في كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله المولى الإخلاص في القول والعمل وأن يحسن ختامنا وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم القيامة وفي ميزان حسنات الجميع. Donc on va continuer, inchallah, sans plus attendre, sur l'étude de la troisième règle concernant les textes d'attributs. Donc aujourd'hui, inchallah, on va essayer d'avancer sans plus attendre, puisque dans les cours précédents, on a bien détailler le sens de la troisième règle et des règles aussi précédentes. Donc pour avancer, Inch'Allah, on va continuer sans plus attendre. Donc dans cette troisième règle, on apprend, l'auteur nous enseigne dans son œuvre, que parmi les règles concernant les textes d'attributs, c'est que l'apparence, on dit bien l'apparence du texte dans son sens général, l'apparence du texte d'attributs, maintenant vous comprenez lorsque je dis le texte, la preuve concernant les attributs divins, sont l'apparence des textes d'attributs sont connus d'une certaine manière selon un aspect et inconnus selon un autre aspect. D'une certaine manière, c'est ce qu'on a appris la fois dernière. L'auteur veut dire, à travers cela, il le détaille juste après, il veut dire que l'apparence des textes d'attributs sont connus d'une certaine manière selon un aspect, c'est-à-dire lorsque cela est relatif au sens. Lorsque cela est relatif au sens. Donc, cela est connu. Lorsqu'il dit inconnu selon un autre aspect, lorsque cela est relatif à al-kayfiyya, est relatif au comment de l'attribut. C'est pour cela que l'auteur fait la nuance lorsqu'on sous-entend le sens de l'attribut, et lorsqu'on sous-entend le comment de l'attribut. Donc ça, c'était dans la 6 d'hier, et on a détaillé cela, on va avancer sans plus attendre. L'auteur, pour prouver cela, que les textes d'attributs, c'est-à-dire liés ou liés à la mention d'un attribut ou d'attribut d'Allah, divin, on les prend selon le sens apparent. Et le sens apparent est connu. C'est ce qu'il nous enseigne. Et là, il mentionne les preuves. Il a mentionné un premier verset qui indique cela. Donc, il va mentionner, comme on a dit, des preuves textuelles et des preuves rationnelles. Les premières preuves, parmi les preuves, puisqu'il y a de nombreuses preuves scripturaires et textuelles dans les textes sacrés, mais il va se contenter de citer quelques versets, quelques passages du Coran. Il cite le premier verset. C'est le verset 29 de la sourate Sad. Où Allah Azza wa Jal dit: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Dans ce verset, une traduction relative, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit: "Un livre, Kitabun anzalnahu, que nous avons fait descendre à toi comme une bénédiction afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence se rappellent." Donc regardez, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit un livre, une traduction approximative du sens, un livre, ceci est un livre, nous l'avons fait descendre à toi comme une bénédiction afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence se rappellent. Vous comprenez que l'auteur, lorsqu'il mentionne ce verset, il veut illustrer et exprimer le fait qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a fait, nous enseigne qu'il a fait descendre un livre, sa parole, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui-ci est une bénédiction afin qu'il médite sur les versets, afin qu'il y ait méditation, afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence se rappellent. Pourquoi l'auteur mentionne ce verset? Pour dire, comment peut-on méditer des versets si les sens ne sont pas explicites et clairs? Si Allah Azzajal dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi, pour que ces versets soient médités. Pour méditer et pour pouvoir méditer les versets, il faut que les sens soient clairs et explicites. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et donc, c'est très pertinent que l'auteur ait mentionné ce verset qui indique donc que les sens des versets du livre sacré, du Coran, sont clairs et explicites. Ensuite, il mentionne un autre verset. Le deuxième verset que l'auteur va mentionner, c'est le verset 3 de Sourate Az-Zukhruf. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Certes, nous avons fait de ce livre un livre arabe, peut-être qu'ils réfléchiront. Une traduction relative du sens, nous en avons fait un Coran en arabe, certainement vous raisonnerez. Certainement, donc vous avez vu ici, c'est traduit littéralement. Certainement vous raisonnerez, c'est la traduction de la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Ici, l'auteur va expliquer que le sens de ta'qilun, c'est dans le sens de tafhamun. Peut-être ferez-vous preuve de raison, sont traduits littéralement, dans le sens peut-être comprendrez-vous. Puisque ici, lorsqu'il est parlé de raison, il est sous-entendu aussi la compréhension. Peut-être comprendrez-vous. Pourquoi l'auteur mentionne ce verset? Pourquoi mentionne-t-il ce verset? Puisqu'il va le dire. Il va dire ensuite, après qu'il va mentionner l'autre verset suivant, parce qu'il mentionne un troisième verset, le verset 44 de la sourate An-Nahl, où Allah Azza wa Jal dit dans son livre « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » Une traduction relative du sens du verset 44 de sourate Les Abeilles, Allah dit « Nous avons fait descendre à toi le rappel afin que tu montres clairement aux gens ce qui a été descendu à eux, peut-être réfléchiront-ils. » Donc c'est trois versets que l'auteur a mentionnés. Qu'est-ce que l'auteur veut exprimer? Regardez bien, remarquez, écoutez bien, il va le dire lui-même. Il va dire, dans le texte, dans le rêve, « وَالتَّدَبُّرْ لَا يَكُنْ إِلَّا فِي مَا يُمْكِنُ الْوُصُولَ إِلَى فَهْمِ لِيَتَذَكَّرْ الْإِنسَانُ بِمَا فَهِمَهُ مِنْ » Il va dire, La méditation, ne se peut que quand elle a pour objet les choses compréhensibles, afin que ce que l'homme comprend lui serve de rappel et le porte à celui-ci. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azzawajal, dans ses versets, nous appelle à la méditation du livre, c'est-à-dire qu'il a fait descendre un livre d'une langue arabe pour que celui-ci soit un rappel. Il est dit dans un verset. Aussi qu'il a fait descendre ce livre en tant que bénédiction pour que ces versets soient médités. Donc pour méditer, pour que ce livre soit un rappel, pour que les gens doués de raison puissent raisonner, c'est-à-dire comprendre ces versets, cela prouve et indique que les versets sont d'une langue arabe claire et explicite. Sinon, on ne peut pas méditer le livre. On ne peut pas y réfléchir. Et pour que celui-ci soit un rappel. C'est ce que l'auteur va expliquer. Il dit, regardez dans le texte, le fait que le Coran soit en langue arabe, pour que le comprenne quiconque maîtrise la langue arabe, prouve que son sens est connu. Sinon, quelle différence y aurait-il entre le fait qu'il soit en langue arabe ou en quelque autre langue? C'est-à-dire que lorsque le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, la partie médinoise aussi, il y a des versets qui font partie de la période mécoise et une partie du Coran de versets de sourate qui sont en période médinoise, qui ont été révélés. Le peuple, comme on l'a dit, du prophète, ça était arabe. Et le prophète est un prophète arabe. Et donc, la langue connue chez son peuple était la langue arabe. Si le livre est descendu en langue arabe, c'est que ces versets, la langue était comprise des gens. C'était pour que les gens puissent comprendre le rappelle et qu'il puisse le méditer. Sinon, alors il aurait pu être descendu une autre langue. Si le but c'était pas le fait que les gens comprennent. Alors il dit, l'exposition claire par le prophète, sallam, que la prière et les bénédictions soient sur lui, du Coran aux gens, comprend à la fois l'exposition de son texte et l'explication de son contenu. Donc ça, c'est en ce qui concerne les preuves scripturaires, c'est-à-dire textuelles. Donc là, l'auteur a mentionné trois versets. Trois versets qui prouvent, qui indiquent que le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite et que les sens sont connus. Fahoulala. Là, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça ne laisse pas place à ambiguïté. Pourquoi ? Puisque il a cité des versets où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Voici un livre, nous l'avons fait descendre à toi comme une bénédiction afin qu'il médite sur ces versets. » Comment méditer sur les versets si la langue n'est pas claire et explicite ? Comment pouvoir méditer ? Regardez dans l'autre verset, « Nous avons fait descendre un Coran en arabe, certainement pour que vous puissiez raisonner. » C'est-à-dire ici, comprendre. Comment comprendre si les sens ne sont pas explicites? Et dans l'autre verset qu'a cité l'auteur, en traduction relative, nous avons fait descendre à toi le rappel afin que tu montres clairement aux gens ce qui a été descendu à eux. Le rappel. Allah fait descendre un rappel pour que le prophète puisse montrer clairement, vous avez vu, clairement aux gens ce qui a été descendu à eux. Peut-être réfléchiront-ils. Comment peuvent-ils réfléchir si les sens ne sont pas clairs? Donc, ça c'est des preuves textuelles que l'auteur a mentionnées qui indiquent que les sens sont clairs. Ensuite, l'auteur dit « وَأَمَّ الْعَقْلُ » En ce qui concerne maintenant la raison, puisqu'après avoir mentionné des preuves textuelles, l'auteur va nous mentionner des preuves rationnelles, c'est-à-dire une preuve rationnelle, un raisonnement, si vous voulez, rationnel ici, qui indique que les versets, par exemple, en l'occurrence de manière plus précise, les versets d'attributs, ne peuvent être que clairs. Et l'apparence de ces textes-là, les textes d'attributs, ne peuvent être que clairs, explicites, et les sens connus. Et les sens connus. Ce qui prouve cela, on a cité des preuves, comme a mentionné l'auteur, des preuves textuelles. Maintenant, il dit même au niveau de la raison humaine. Il dit « Amma al-aqlu »« Fali'anna min al-muhali an yunazzil Allahu ta'ala kitaban ou yatakallamu rasuluhu bi kalamin yuqsadu bi hadha al-kitab wa hadha al-kalam an yakuna hidayatan lil-khalq wa yabqa fi a'zami al-umuri wa ashaddiha daruratan majhula al-ma'na bi manzilati al-huruf al-hijaiya allati la yufham minha shay'. لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Regardez ensuite l'auteur dit une très belle parole. Il dit en ce qui concerne l'argument rationnel, il dit il est impossible qu'Allah fasse descendre un livre ou que son messager prononce un discours pour guider les créatures puis que la signification de ses propos à faire aux choses les plus importantes et les plus indispensables demeure ici majhul al-ma'na, c'est-à-dire et que les sens ensuite demeurent incompréhensibles, ensuite que ces sens demeurent incompréhensibles ou inconnus. Ces paroles seraient alors comme les lettres de l'alphabet, comme les lettres de l'alphabet par exemple qui signifie rien, qui signifie rien. Or, la sagesse d'Allah est bien au-dessus d'une telle chose. Alors, regardez ce qu'exprime l'auteur. L'auteur, ici, nous dit, l'argument rationnel est le fait qu'il est impossible qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, notre créateur, ait fait descendre un livre et que son messager prononce un discours et que celui-ci est pour la guider des hommes et de l'humanité, et que ce discours qui est pour la guider de toute l'humanité soit incompréhensible, et ne soit pas clair et explicite. Cela, l'auteur nous dit, c'est impossible. la raison humaine ne peut pas concevoir cela. Donc, si ce discours qui s'adresse à l'humanité pour la guider de celle-ci, cela prouve que, de manière rationnelle, que ce rappel, la parole du Créateur, le fait qu'Allah ait fait descendre un livre, le discours de son messager, de son envoyé, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ses significations sont claires. Pourquoi ? Parce que il n'est pas concevable que ce discours qui serait l'objectif de celui-ci pour la guider de l'humanité ne soit pas clair. Il ne peut pas être comparable à juste la mention de lettres de l'alphabet. Ce n'est pas juste des lettres d'un alphabet qui signifie rien. Mais il y a des significations, et ces significations-là sont claires et sont connues. La preuve en est, ici dans le verset, Allah Azza wa Jal dit dans un verset, dans Surat Hud, le verset 1. Donc dans le premier verset de Surat Hud. Où il est dit, où Allah Azza wa Jal dit, Alif Lam Ra, Kitabun, Uhkimat Ayatuhu, Thumma Fussilat Min Ladun Hakimin Khabir. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage très bien informé. Observez bien le verset. Pourquoi l'auteur cite ce verset ? C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Regardez la première partie du verset. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Vous allez comprendre ensuite dans ce qui va suivre pourquoi l'auteur insiste sur cela. Et ça, dans la question du dogme et de la croyance liée au nom et aux attributs divins, au nom du Créateur, au nom d'Allah et de ses attributs, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que beaucoup de doctrines qui ont émergé dans le monde musulman considèrent que certains sens ne sont pas clairs et pas explicites. C'est pour ça que l'auteur prouve qu'en réalité, les versets d'attributs, les attributs, les sens sont connus. Et clairs. Le sens est connu et il est clair. Les preuves textuelles le prouvent et l'indiquent, comme la raison humaine l'indique aussi. Donc regardez dans ce verset, Allah dit, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, très bien informé. C'est très pertinent. Pourquoi l'auteur aussi cite ce verset ? Parce qu'il veut sous-entendre aussi une question très importante, la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Allahu al-Hakim. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'Allah Azza wa Jal, notre Créateur, a prédestiné et décrété, il y a une sagesse immense. Et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il a fait descendre un livre pour que ces versets soient compris, pour qu'on puisse méditer. Et donc, ça ne fait pas partie de la sagesse divine, de la sagesse parfaite du Créateur, que des versets descendent et que les sens ne soient pas clairs, d'une langue qui ne serait pas explicite. Ensuite, l'auteur dit, quant à leur indication de notre ignorance du comment des attributs, ou plutôt il dit, avant cela, ce sont là les arguments scripturaires et rationnels inhérents à notre connaissance des significations des textes relatifs aux attributs. Et là, il conclut en disant cela, il conclut cette partie, c'est-à-dire il va expliquer, en disant que ces preuves qu'il a citées, ces arguments scripturaires et rationnels, inhérents à notre connaissance des significations des textes. Regardez ce qu'il dit, inhérents à notre connaissance des significations des textes. Relatif aux attributs, c'est-à-dire aux attributs divins, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'il va dire ensuite. Il dit, quant à leur indication, donc là on est toujours dans le texte, et cette partie-là on l'a lu en arabe, sauf qu'hier, dans la dernière assise, on n'avait pas terminé la traduction. Donc là on termine la traduction, et ensuite il nous reste une deuxième partie, la dernière partie à lire pour terminer cette règle. On va essayer d'avancer un peu pour terminer la règle et avancer. Alors il dit ensuite, quant à leur indication de notre ignorance du comment des attributs, nous l'avons évoqué précédemment lorsque nous avons expliqué la sixième règle relative aux attributs. C'est-à-dire qu'il dit ensuite, après que l'auteur dit, هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. En arabe, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Je vais vous traduire littéralement, très simplement, ce que dit l'auteur. Ici, cette parole-là a été traduite par « Ce sont là les arguments scripturaux et rationnels inhérents à notre connaissance des significations des textes relatifs aux attributs. » Cette partie-là, ils veulent dire, c'est la traduction de cette phrase de l'auteur, « هَذِي دَلَلَةُ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ عَلَى عِلْمِنَا بِمَعَانِ نُصُوصِ الصِّفَاتِ » Tout simplement, ils veulent dire par là, dans leur traduction de la parole de l'auteur, l'auteur dit « Les indications de ces preuves qu'on a citées précédemment, aussi bien textuelles que rationnelles, prouvent, nous indiquent que la clarté des sens des textes d'attributs, tout simplement. La connaissance, notre connaissance des textes d'attributs, tout simplement. C'est-à-dire que les preuves qui ont été mentionnées précédemment, qu'elles soient textuelles ou rationnelles, elles indiquent quoi ? Notre connaissance des sens des textes d'attributs. C'est-à-dire que les sens des textes d'attributs apparents sont clairs, sont connus. Donc si on nous pose la question, est-ce que le sens des textes, on stipule bien là, d'attributs, parce que l'auteur le stipule bien, il dit « Ma'ani nusus sifat ». Est-ce que les sens sont connus, Naram ? Sont connus. Ils sont connus. C'est pour cela, dans la traduction, personne n'a le livre. Au début, tout le monde avait le livre. Vous n'avez pas le livre ? Aussi bien, il faut au moins l'avoir soit en arabe, au moins l'avoir au moins en français pour ceux qui l'ont. Regardez, au début, dans le titre, lorsqu'ils disent « Le sens apparent des textes des attributs nous est connu d'une certaine manière et inconnu d'une autre manière. » On a dit, on ne remet pas en cause les traductions, on ne remet pas en cause la maison d'édition, c'est juste un travail, c'est des critiques qui sont productives et pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse évoluer. La traduction du titre ici fait un nazar, une réflexion à faire. Bien au contraire, si on comprend dans le sens littéral le titre, comment il a été traduit, c'est une erreur. Et c'est justement l'inverse que veut nous enseigner l'auteur. Puisque regardez bien, ils disent « Le sens apparent des textes des attributs nous est connu d'une certaine manière et inconnu d'une autre manière. » Le sens apparent, non. Le sens apparent est connu. On ne dit pas que le sens apparent du texte est connu d'une certaine manière, selon un aspect, et inconnu selon un autre aspect, non. Le sens apparent des textes d'attributs, connu. Ils sont connus, c'est ça que l'auteur nous enseigne. Et c'est ça les preuves qu'il a mentionnées, aussi bien textuelles que rationnelles. Il veut nous enseigner dans son œuvre et rappelle que le sens des textes d'attributs, le sens est connu. Et par exemple ici, là c'est la traduction, mais ça peut nous laisser penser. Le sens apparent des textes d'attributs nous est connu d'une certaine manière et inconnu d'une autre manière. Non. Ça pourrait sous-entendre que, d'une certaine manière, le sens des textes d'attributs, on connaît le sens, d'une autre manière, on ne connaît pas le sens. Non. Le sens est connu. Ce que, ici, la nuance, c'est pas le sens apparent qu'il faille traduire. C'est l'apparence du texte d'attributs. La nuance, pas le sens. On l'avait bien explicité dans la dernière assise. L'apparence du texte d'attribut, ce qui apparaît du texte d'attribut, est connu d'une certaine manière et inconnu d'une autre manière. Qu'est-ce qui est connu ? Le sens. Qu'est-ce qui est inconnu ? Le comment. Par contre, le sens, lui, il est connu. C'est tout cet exposé dans cette règle-là, l'auteur, à travers la mention de ces règles, c'est pour nous enseigner que, et rappeler, que le sens des attributs est connu. On va continuer, vous allez comprendre ici l'importance du sujet. Donc ensuite, ce sont là les arguments scripturaux rationnels, l'auteur c'est pour ça qu'il dit, que les preuves qu'il a citées indiquent que le sens des textes d'attributs est connu, tout simplement. C'est ça qu'il faille retenir dans cette règle-là. Ensuite, il va dire, par contre, ces textes d'attributs-là, concernant leur indication. Elles indiquent, par contre, elles indiquent notre ignorance au sujet d'une chose. Qu'il y a autre chose, par contre, dont on n'en a point la connaissance. Et que ces choses-là ne sont pas connues de notre part. Là, c'est le kayfiyya, c'est le comment. Le comment de l'attribut. فَقَدْ سَبَقَتْ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الصِّفَاتِ. Par contre, il dit, en ce qui concerne le sujet du comment de l'attribut, et le développé de cette question-là, il dit, ça précédait dans l'étude de la sixième règle concernant les attributs. On stipule bien la sixième règle, donc pour avoir le détail et le développé de cette question-là, se référer à la sixième règle concernant les règles d'attributs. Pourquoi je dis bien les règles et l'auteur le stipule? Puisque dans un premier temps, il y a eu l'étude de règles concernant les noms. Ensuite, des règles concernant les attributs. Et maintenant, on étudie des règles concernant les textes. Là, l'auteur dit se référer à la sixième règle concernant les attributs. Fi qawaid as-sifat. Et dans la sixième règle, c'est là que l'auteur avait bien développé cette question-là, le fait que le comment de l'attribut, ceci nous est inconnu. Contrairement au sens. Contrairement au sens. Maintenant, l'auteur dit, si ça c'est compris, si ça c'est compris, écoutez bien, il dit, là ce que vous avez pu comprendre, on est sur le texte. Là, je lis l'œuvre, on n'est pas sur le commentaire. Là, on est sur le texte pour avancer, pour pouvoir aujourd'hui terminer la règle. Puisque hier, on a bien explicité, on a pris une partie du commentaire. Une partie du commentaire, donc aujourd'hui, on avance sur le reste de la règle. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني النصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. Et hier, j'avais fait une introduction sur un sujet, sur une doctrine qui est apparue, un courant de pensée dans le domaine de la croyance au nom, aux attributs, qui était nommé par les savants le courant de Al-Mufawwada, les partisans du Tafwid. Hier, j'avais fait une introduction sur ça, comme on l'avait déjà fait allusion à cela dans d'autres assises, pour qu'on puisse comprendre maintenant ce que va dire l'auteur dans le texte. Il dit, de ce fait, nous comprenons la nullité du courant de pensée nommé Al-Mufawwada. Al-Mufawwada. Donc c'est un courant de pensée, c'est une doctrine qui a émergé dans le monde musulman lorsqu'il y a eu débat justement sur la question des noms d'Allah Azzawajal et de ses attributs. Alors il y a eu l'émergence de ce courant. Ce courant-là, qui a été nommé Al-Mufawwada, l'auteur dit, si on a compris tout ce qui a précédé, on comprend maintenant la nullité de ce courant de pensée qui est nommé Al-Mufawwada, de cette doctrine. Al-Ladina, on avait dit, cette doctrine consiste, leur croyance, consiste à remettre le sens de l'attribut à Allah. En disant, le sens, on le remet à Allah. Pourquoi ils disent le sens, on le remet à Allah, Azza wa Jal? Parce que pour eux, il est inconnu. Donc comme le sens est pour eux, le sens est inconnu. Donc, ils disent, on le remet à Allah. Sauf que, pourquoi l'auteur fait allusion à cette doctrine? Et pourquoi on a fait allusion dans des assises précédentes et dans la dernière assise à cette doctrine? Pourquoi? Parce que certains écrivains et certains même théologiens et beaucoup ont pensé que ce courant de pensée, c'était la voie des ancêtres et des pieux prédécesseurs. Et que c'était la croyance des partisans de la Sunna dans le domaine des noms et des attributs. Vous pouvez retrouver dans certaines œuvres, dans certains livres, certains écrivains, certains savants, certains théologiens, eux ont prétendu que ce courant de pensée-là, ce madhhab-là, c'était le madhhab des salafs, dans la croyance des noms et des attributs. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le sens, c'est de le remettre à Allah. Ils affirment, comme on avait dit, l'attribut, ils affirment l'attribut, sauf qu'ils disent le sens, Allahu a'lam. Nufawwiduhu ila Allah. At-tafwid, ça veut dire quoi en arabe? C'est lorsqu'on remet quelque chose. Par exemple, nufawwiduhu ila Allah azza wa jalla. On le remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'auteur ensuite dit, donc beaucoup, l'auteur nous enseigne que beaucoup ont pensé que cette croyance-là, c'est la croyance des anciens pieux et des premiers de cette communauté dans le domaine de l'asma ou sifat. L'auteur dit « وَالسَّلَفُ بَرِيءٌ مِنْ هَذَا الْمَذْهَبِ » alors qu'il dit que les premiers de cette nation sont innocents de ce courant de pensée. En fait, ce n'est pas leur courant de pensée et ce n'est pas ça leur dogme et leur croyance concernant les attributs divins. وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَقْوَالَ عَنْهُمْ بِإِثْبَاتِ الْمَعَانِ لِهَذِهِ النُّصُوصِ إِجْمَالًا أَحْيَانًا وَتَفْصِيلًا أَحْيَانًا وَتَفْوِيضُهُمُ الْكَيْفِيَّةِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Et là, vous allez tout comprendre. Et le fait de connaître ça, ça va vraiment vous ouvrir les portes de la compréhension et ça vous ouvre les portes pour ensuite pouvoir avoir accès à certains livres et lire certains livres et bien faire la nuance dans les sujets et comprendre justement. Comprendre ces questions-là. L'auteur dit, en fait, les premiers de cette communauté sont innocents de cette croyance-là. Et bien au contraire, فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَقْوَالِ. Les paroles, d'après eux, sont multiples et nombreuses dans le sens abondantes concernant leur affirmation. Regardez ce qu'il va dire, je vous traduis littéralement. Concernant leur affirmation d'essence. D'essence. لِهَدِهِ النُّصُوصِ. Il dit, concernant leur affirmation d'essence de ces textes, que ce soit une affirmation générale, parfois, et que ce soit une affirmation détaillée, parfois. Ça, c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen dans son œuvre. Lorsqu'il dit que les paroles d'après les premiers de cette nation, les pieux prédécesseurs, sont nombreuses concernant leur affirmation de ces textes. Lorsqu'il dit l'affirmation, qu'est-ce qu'il veut sous-entendre? Il ne l'a pas cité ici le mot, mais c'est clair, il sous-entend quoi? Il va le dire aussi dans son explication, puisque lui, il est l'auteur du propos, donc il est plus connaissant de son propos. Il sous-entend concernant la connaissance du sens de quoi? Des attributs. Il n'a pas rajouté le terme « as-sifat », mais c'est ce qu'il veut sous-entendre, concernant le sens des attributs. Donc, si vous vous référez justement aux paroles d'anciens grands érudits et imams de cette nation, dans les premières générations, vous verrez qu'ils confirmaient la connaissance du sens des attributs. Ils affirmaient la connaissance, ce qu'on a appris dans cette règle-là, ce que mentionne l'auteur, que les premiers de cette nation confirmaient et affirmaient que le sens était connu. Et parfois, on retrouve des paroles qui vont dans ce sens, mais qui sont générales. Et parfois, vous pouvez retrouver des paroles, et elles sont nombreuses, il dit, il stipule, qui sont plus détaillées. قَالَ وَتَفْوِضُهُمُ الْكَيْفِيَّةِ. Par contre, il faisait du tafwid. Par contre, c'est vrai. Vous allez trouver que chez les pieux prédécesseurs, il faisait du tafwid. Tafwid, c'est ce qu'on a mentionné précédemment, le courant de pensée qu'on appelle les partisans du tafwid, qui se nomme Al-Mufawwida. C'est vrai que vous retrouvez des pieux prédécesseurs qui faisaient du tafwid. Ils remettaient à Allah. Mais du tafwid de quoi? Du comment? Donc si ils faisaient le tafwid, si on stipule du comment, c'est vrai. C'est-à-dire le comment, là on le remet à Allah, azawajal. Le comment de l'attribut, vous avez vu pourquoi l'auteur fait bien la nuance entre eux, malgré qu'on l'a appris dans ce qui a précédé. Mais il refait bien la nuance entre le sens et le comment. Pourquoi? Parce que vous retrouvez des paroles de pieux prédécesseurs sur ce sujet-là, leur tafwid, il est concernant, il est relatif au comment, al-kayfiyya, de la tribu. C'est ça qu'ils remettent à Allah, azza wa jal. Mais pas le sens. Pour eux, le sens est connu. Et c'est ce qu'on retrouve à travers de nombreuses paroles des grands imams et grands érudits et grands savantissimes dans la première génération. Et donc, ce qu'ils remettaient à Allah Azza wa Jal, au créateur, c'était le comment, pas le sens. Et pour cela, ensuite, et nous, on s'était, dans la dernière assise, on avait lu le texte en arabe jusque-là. Jusqu'à ce que, ensuite, l'auteur va mentionner une parole, faire une citation d'une parole du savant de l'islam, dans son livre Al-Aql wa Naql, dans son livre La raison et la transmission. Un livre célèbre du Cheikh de l'islam, un livre La raison et la transmission, dans la page 116. La page 116, dans la page 116, il fait la citation de la parole de l'auteur de ce livre, le Cheikh de l'islam. Regardez ce que va dire le Cheikh de l'islam en ce qui concerne At-Tafwid. Il va parler de ça, le fait de remettre At-Tafwid, de la doctrine, du courant de pensée de At-Tafwid. Al-Mufawwidah. Il dit: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لا يعلم ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم انتهى كلامه في هذه القاعدة. Donc là, j'ai continué là. On a poursuivi jusqu'à la fin de la règle. Donc là, en arabe, on a terminé la troisième règle. L'auteur a terminé justement avec la citation de la parole du Cheikh de l'Islam dans la page 116 de son livre Al-Aql wa Naql. Al-Aql wa Naql. Donc ce qu'on vient de lire, c'est la citation justement de la parole du Cheikh de l'Islam. On va essayer de la comprendre très vite pour terminer l'étude de cette règle. Donc, dans cette citation, l'auteur fait référence à la parole de Cheikh de l'Islam concernant le courant de pensée, la doctrine de Al-Mufawwidah ou Ahl al-Tafwid. Regardez ce que dit le Cheikh de l'Islam, son analyse concernant ce courant de pensée. Il dit: « Il dit, donc le cheikh de l'islam a cité dans son livre célèbre, comme on a dit précédemment, la raison et la tradition. On peut traduire de cette manière, la raison et la tradition. Donc il cite une traduction du texte et de la citation. Quant au fait de s'en remettre à Allah, de ne pas chercher le sens, ou de ne pas chercher à connaître le sens. Donc vous avez compris, c'est ça tafwid. Donc vous voyez bien que le cheikh de l'islam fait référence au tafwid. C'est-à-dire le fait de s'en remettre à Allah et ne pas chercher à connaître le sens. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il est connu qu'Allah nous a ordonné de méditer le Coran et nous a incité à le comprendre. Donc tout ce que je vais lire là, c'est la parole c'est la citation du cheikh de l'islam. Alors, comment pouvons-on nous détourner de le comprendre, le connaître et le méditer ? C'est-à-dire comment on peut se détourner de le comprendre, de le connaître ou de le méditer ? Or, Allah Azzawajal nous a ordonné dans le Coran de méditer le Coran, de méditer ses sens, de méditer ses versets. Donc, comment peut-on se détourner de la méditation et de la compréhension, de chercher à comprendre ? Il dit ensuite, à ce moment-là, d'après cette pensée-là, écoutez bien, le cheikh de l'islam, il dit, donc selon cette pensée, d'après cette pensée, à ce moment-là, les prophètes ne connaîtraient pas la signification de ce avec quoi Allah s'est décrit dans le Coran, ou une grande partie de ce avec quoi il s'est décrit, voire il prononcerait un discours dont ils ne saisissent pas la signification. Regardez, c'est très pertinent ce qu'il dit. Si on dit que le sens des versets d'attributs, par exemple dans le domaine des attributs, si le sens n'est pas connu, n'est pas clair, on ne connaît pas, donc leur pensée est de s'en remettre à Allah et de remettre le sens au Créateur en disant on ne connaît pas. Donc ça veut dire que ce qu'ont rapporté les prophètes comme sens, comme verset, eux ne connaissaient pas. C'est comme s'ils prétendent que les prophètes et les messagers se rappellent, avec laquelle ils sont venus, lorsque Allah Azzawajal se décrit, ils ne comprenaient pas. Regardez, la parole est claire. وَحِينَ إِذِنْ فَيَكُنْ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ أَوْ كَثِيرٌ مِمَّا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ لَا يَعْلَمُ الْأَنْبِيَ مَعْنَاهُ. Ça veut dire, selon leur pensée, que ce avec quoi Allah Azzawajal, par quoi il s'est décrit, dans le Coran ou les textes sacrés, la yarlamul anbiya, ça veut dire selon leur compréhension à eux, les prophètes ne connaissaient pas le sens alors. Bal yaquluna kalaman la yaqiluna ma'nahu. Donc selon cette doctrine-là, ça veut dire aussi que les prophètes proféraient des paroles dont ils ne connaissaient pas véritablement le sens. Puisque s'il est dit le sens, on le remet là, il est inconnu, ça veut dire que les prophètes, donc, proférer des paroles, disait des paroles que eux-mêmes ne comprenaient pas, si le sens est inconnu. Qala wa ma'lumun anna hadha qadhun fil Qur'an wal anbiya. Et il dit, cela est clair, il est évident qu'en réalité, c'est un dénigre du texte sacré, du Coran et des prophètes. Il dit, Allah a fait descendre le Coran et informé qu'il en a fait une direction et une démonstration claire pour les gens. Il a ordonné aux messagers de proclamer le message en toute clarté et d'exposer clairement aux hommes ce qui a été révélé à leur intention. Allah a ordonné en outre de méditer et de saisir le sens du Coran. Or, la chose la plus noble dans ce message consiste à ce que le Seigneur nous apprend sur ses attributs. Regardez ici, le domaine des noms et des attributs d'Allah Azzawajal, c'est la chose la plus noble. C'est la chose la plus noble. Allah, d'une manière générale, nous commande de méditer les sens des versets, d'une manière générale. Ces versets, pour qu'ils soient médités, ont été révélés. Parmi les choses les plus nobles qui sont enseignées dans son livre, c'est sa description, ses noms et ses attributs. Comment la chose la plus noble qu'il y a dans le Coran, la description du Créateur, la mention de ses noms et de ses attributs, comment se pourrait-il que les prophètes n'en aient pas la connaissance? Comment se pourrait-il que les sens ne sont pas clairs et explicites? Alors que c'est la chose là, la plus noble. Et alors, il dit, à ce moment-là, les prophètes ne connaîtraient pas la signification de ce avec quoi Allah s'est décrit dans le Coran, ou une grande partie, comme c'est dit plus haut. Il est évident que c'est là un dénigre dirigé contre le Coran et les prophètes. Allah a fait descendre le Coran et a informé qu'il en a fait une direction, une démonstration claire pour les gens. Il ordonnait aux messagers, que les prières et la paix soient sur lui, de proclamer le message en toute clarté et d'exposer clairement aux hommes ce qui a été révélé à leur intention. Allah ordonnait en outre de méditer et de saisir le sens du Coran. Or, la chose la plus noble dans ce message consiste à ce que le Seigneur nous apprend sur ses attributs. Donc c'est la chose la plus noble. C'est le domaine le plus noble lorsque on parle des noms et des attributs du Créateur. Comment dès lors prétendre que personne n'en connaît le sens? Et comprenez bien, remarquez bien, comme on l'a dit précédemment, beaucoup ont pensé que ce courant de pensée, c'est le courant de pensée des pieux prédécesseurs, que c'est le don des pieux prédécesseurs dans la question de l'asma al-sifat. Et vous retrouvez ça, comme on l'a dit précédemment, dans certains livres et certaines œuvres et écrits. En pensant, beaucoup pensent que, puisqu'ils affirment, ils disent « nous affirmons », et ils réfutent la pensée de la négation des attributs divins. Et ils affirment. Sauf qu'ils disent « bien sûr, nous affirmons l'istiwa, nous affirmons sifat al-yad, nous affirmons sifat al-ayn ». Ils affirment les attributs. Mais le sens, on ne le connaît pas. Mais comment peut-on prétendre que le sens n'est pas connu? Alors que c'est descendu d'une langue arabe claire et explicite. Allah se décrit par ses attributs. En outre, regardez, car si tel était le cas, le Coran ne pourrait pas être compris et médité. En outre, et le messager n'aurait pas exposé clairement aux gens le message du Créateur d'Allah, ni proclamé celui-ci en toute clarté. C'est pour ça que ensuite, il dit, je vais reprendre le texte en arabe. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد والإلحاد كما يقول. Alors, la vérité sur ce sujet, que je continue ici dans la lecture de la traduction. Donc, si on va dans ce sens-là, il dit, donc chaque personne, mulhid ou bien innovateur, pourrait alors dire la vérité sur ce sujet et celle à laquelle je suis parvenu grâce à ma réflexion et à mon raisonnement. Et il n'y a rien dans les textes qui contredisent cela parce que ces textes sont ambigus. Et personne ne connaît leur signification. Or, on ne peut tirer quelques arguments de ce dont on ne connaît pas le sens. Donc, n'importe qui pourrait se dire cela ensuite, dit le shir. N'importe qui pourrait se dire que les sens, de toute manière, sont ambigus, ne sont pas clairs. Donc, n'importe qui au sujet de l'être d'Allah Azzawajal pourrait raisonner sur ses attributs et penser que sa réflexion, que lui est parvenu justement, grâce à sa réflexion et à son raisonnement, à la compréhension, de sorte que la vérité sur ce sujet, il pourrait dire, à laquelle je suis parvenu grâce à ma réflexion et mon raisonnement, puisqu'il n'y a rien dans les textes qui pourrait contredire cela, puisque les sens sont ambigus selon leur compréhension et leur pensée. L'auteur dit alors, ce discours nie le fait que les prophètes aient pour mission de guider et d'expliciter et offre l'occasion à leurs opposants de prétendre que la guidée et l'éclaircissement se trouvent dans notre voie, non dans celle des prophètes, car nous savons ce que nous disons et nous l'éclaircissons avec des arguments rationnels, tandis que les prophètes ne savent pas ce qu'ils disent, transmettent, et à plus forte raison, ils ne peuvent pas l'éclaircir. Ça, c'est selon la pensée où les prophètes ne comprennent pas, les sens ne sont pas clairs, ils sont ambigus, et que eux-mêmes, les prophètes, ne connaissent pas le sens. Comprenez ? Ça sous-entendrait ce qui est cité là. Il s'avère dès lors clairement que les propos, justement, du courant de pensée qui a émergé dans le monde musulman, est un fouet de dire que les sens des versets d'attributs ne sont pas connus, que le fait de prétendre que c'est le suivi de la sunna et c'est la parole des premiers de cette nation, l'auteur dit, en réalité, font partie des pires paroles qui ont été dites par les innovateurs. Les chefs d'islam considéraient qu'en vérité, cette pensée-là, c'était la pire des pensées dans le domaine. Malgré, vous avez vu que ça ressemble à la pensée des gens de la sunna. Et là, le débat, il est sur le sens. Mais en fait, lorsqu'on médite sur l'implication de cela, il dit en fait, c'est l'une des pires pensées et paroles des gens de l'innovation et de l'ilhad. Pourquoi ? Parce que si on dit que le sens n'est pas connu, ça serait revendiquer et prétendre que donc les prophètes, eux aussi, ne connaissaient pas le sens. Pourquoi ? Parce que si on prétend, on dit que le sens, on s'en remet à Allah, il est inconnu, ça veut dire que les prophètes ont transmis quelque chose dont le sens est inconnu. Or, là, on est en train de parler du domaine important, noble, qui est la description du Créateur, c'est-à-dire les noms et les attributs divins. Certains savants donnent l'exemple. Par exemple, est-ce que les histoires des prophètes et des messagers dans le Coran sont raisonnables, c'est-à-dire dans le sens on peut les comprendre, elles sont claires les histoires, ou bien sont incompréhensibles, les sens sont incompréhensibles. Les histoires des prophètes et des messagers dans le Coran, les histoires sont compréhensibles. Les histoires que Allah Azza wa Jal raconte concernant et enseigne concernant les prophètes et les messagers, elles sont compréhensibles. Les savants enseignent que le domaine des noms et des attributs, c'est un domaine encore plus noble. Parce que là, ça parle de l'être, de l'adoré, c'est-à-dire du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment donc les versets ne peuvent pas être clairs et compréhensibles? Donc le fait de dire qu'ils sont les sens inconnus, en fait, c'était pas la croyance des premiers de cette nation. L'auteur termine ensuite en concluant en disant, cela c'est fin de citation, c'est la fin de citation qu'il a tirée du livre La raison et la tradition. Il dit, ce discours du Cheikh de l'Islam émane d'une personne qui possède une opinion droite. Et il n'y a rien à rajouter à cela, car Allah lui accorde son infinie miséricorde et nous réunisse avec lui dans les jardins des délices. L'auteur termine cette règle de cette manière. Il dit, après cette parole et cette citation, il dit, il n'y a plus rien à rajouter. Pourquoi ? Parce qu'elle est très pertinente, la parole, du fait que les prophètes n'ont pas pu transmettre une chose qu'ils n'ont pas compris. Et cela prouve que les sens sont clairs et sont explicites. Et donc les attributs sont clairs et explicites. C'est pour ça, pour bien comprendre la doctrine d'El Mufawwada, c'est que dans leur pensée, lorsqu'ils sont apparus dans le monde musulman, et lorsqu'ils ont traité cette question de l'asma ou sifat, eux, contrairement aux tendances négatrices, c'est que eux affirmaient, ils ont dit oui, Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Oui, nous affirmons sifat, l'attribut de la main. Oui, nous affirmons l'attribut de la descente. Oui, nous affirmons l'attribut de l'audience, par exemple. Oui, nous affirmons l'attribut de l'élévation, par exemple. Sauf que la nuance, c'est qu'ils disent, ils prétendaient, par contre, ce sens-là, le sens de ces attributs-là, nous l'affirmons, mais on ne le connaît pas. On s'en remet à Allah. Et de là naquit le débat. De là naquit le débat sur le sens. Déjà avant, le débat avait déjà émergé. Mais de là, ensuite, pour cela, vous retrouvez dans certains livres, l'auteur va détailler, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je pense qu'on va se contenter de ce qui est dit. Le principal, c'est que la règle a été comprise. En résumé, ce qu'il faille retenir de cette règle-là et de cette exhortation, c'est que lorsqu'on on lit des versets d'attributs, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi on prend le sens littéral ? Puisqu'en fait, prendre le sens apparent, c'est prendre le sens littéral. Et depuis les premiers temps, concernant les versets d'attributs, les savants, les grands érudits de la nation ont toujours été littéralistes concernant les versets d'attributs. C'est-à-dire qu'il est mentionné dans le verset la main. Est-ce que c'est une métaphore ? Est-ce qu'il y a une interprétation à donner à la main ? Ou non, c'est ça le débat qui émergeait dans le monde musulman et chez les théologiens musulmans. Et c'est de là, lorsqu'il y a eu débat sur cette question, c'est de là qu'il y a eu l'émergence et l'apparition de doctrines différentes et de courants de pensée. Puisque, ensuite, certaines doctrines sont apparues, ils ont dit on ne peut pas affirmer, par exemple, la main pour le créateur, l'attribut de la main. On ne peut pas affirmer, par exemple, l'attribut des yeux. Comme c'est dit, l'attribut de l'élévation du créateur, l'attribut de l'audience, l'attribut du ilm, de la science, du savoir. Et les attributs, comme on a dit, sont nombreux. C'est ça lorsqu'on parle d'attributs. Donc pour plusieurs raisons, certains ont prétendu parce que les affirmer, ça serait faire ressembler le créateur aux créatures. Certains ont dit, les affirmer aussi, certains philosophes ont spéculé dans le domaine, on dit, si on affirme ces attributs, c'est qu'il faut affirmer le corps, puisque pour ces attributs, il faille un corps. Donc ensuite, il y a eu beaucoup de spéculations, de philosophies sur le sujet. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi l'émergence justement de la doctrine de Al-Mufawwada, qui ont dit, nous affirmons, puisque certains ensuite ont dit, nous nions, c'est pour ça que des doctrines ont nié, des courants de pensée ont nié les attributs, ils ont dit, on ne peut pas affirmer ces attributs qui sont cités. Pour Allah, Azza wa Jal, avec ces raisons qu'on vient de citer précédemment. De là, ça, c'est les raisons qu'on fait que le débat, ensuite, a eu lieu plus tard. Ce débat-là n'a pas eu lieu à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu lieu plus tard. Et c'est pour ça, lorsqu'il y a eu le débat, l'apparition de ceux qui sont apparus en disant « Nous affirmons le sens, nous affirmons l'attribut, par contre, le sens, on ne le connaît pas. » Or, les savants ont enseigné, si, nous affirmons et nous connaissons le sens. Ce que nous ne connaissons pas, comme on l'a bien explicité dans les assises précédentes, c'est le comment. C'est le comment. Voilà tout simplement ce qu'il faut retenir. Les savants, depuis les premières générations, lorsqu'ils lisent des versets, on passe sur des versets où il y a la mention d'un attribut, tout simplement, on le prend selon le sens apparent. Tout simplement. On accepte le sens apparent. On ne peut pas dire autre. Parce que si on prend le sens apparent, c'est de l'anthropomorphisme, alors on dit, c'est comme si on prétend que l'apparence du Coran est de l'anthropomorphisme. Or, l'apparence du Coran n'est pas de l'anthropomorphisme. Sauf que l'attribut, il n'est pas comparable aux créatures, on ne sait pas comment qu'il est, et il est comme il convient au créateur subhanahu wa ta'ala. Et comme cela était la croyance dans les premières générations. Ensuite, ce qui crée la division, ensuite, c'est le fait d'avoir polémiqué et spéculé sur ces sujets-là. On ne peut pas spéculer sur l'essence et l'être du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Sur le Créateur, on ne peut que prendre les textes selon le sens apparent. Et donc là, alhamdoulilah, on a terminé cette règle-là, la troisième règle. Dans une prochaine assise, si Allah nous permet, on étudiera une autre règle. Mais cette règle était très importante, ça nous apaise et on comprend. on comprend que lorsqu'on lit le Coran et on passe sur des versets d'attributs, ou sur des hadiths où il y a la mention de versets d'attributs, le croyant, lui, n'est pas perturbé. Il sait qu'il prend les textes comme ils sont venus, mais on n'a pas la connaissance du comment. Le sens, lui, il est connu. Le comment, on ne sait pas. Le Créateur est incomparable et ses attributs-là, c'est comme il sied à sa majesté, à son être subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.